En ouvrant la porte du troisième étage, j'ai juste vu un mur de boucan. La boucane roulait. J'ai crié « Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? » Et il y a un monsieur, effectivement, qui a sorti. Puis il avait l'air terrifié, vraiment, comme s'il voyait la mort s'en venir, là. Vraiment, là. Jacques Fortier habitait le sommet depuis 9 ans. Il a vécu une nuit terrifiante, tout comme Karine Ouimet, qui a quitté en vitesse son logement avec sa petite fille de 3 ans. Il y a eu 2-3 personnes qui ont sorti, puis on dit, il y a le feu au troisième. Fait que là, ben, c'est là qu'on s'est dépêché, là. Tu sais, j'ai habillé ma petite fille, puis une culotte de pyjama, puis on est sorti dehors, là. Karine Ouimet habite maintenant chez sa mère. Tu sais, moi, je suis chanceuse. Il y en a d'autres qui n'ont pas de famille, puis ils vont être obligés de coucher dans des gymnases, des affaires de même. Là. Je vais être obligé de chercher un logement, là, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup, hein, fait que c'est ça le problème, là. La ville de Val-d'Or souhaite d'ailleurs que les sinistrés effectuent des démarches auprès de leurs familles et amis. La ville va venir en aide à ceux qui n'ont aucun autre recours. Le maire Fernand Tran. La ville accompagnera les sinistrés, mais c'est une responsabilité collective. Il y a des familles, il y a des amis. Si on avait à reloger 60 loyers à Val-d'Or, ça s'appelle mission impossible. Il n'y en a déjà pas. Il va falloir que les gens s'entraident. La ville de Val-d'Or met à la disposition des sinistrés les services d'un psychologue et d'un travailleur social. Elle met aussi en place une ligne téléphonique afin de dresser la liste des logements disponibles. Sandra Ataman, Radio-Canada, Val-d'Or.